Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes vœux et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous marier tous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres comme moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon Jean? Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toute chose à servir vos amours. Quelque secours puissant qu'on promette à ma flamme, mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos vœux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne, qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe, a d'indignes appâts. Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi, n'est-ce point là ce qui me charme en vous? Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes vœux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre, et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être, et je sens que du mien clitendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par 100 beaux talents vous devriez me plaire, je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main, où l'on me fait prétendre, me livrera ce cœur que possède clitendre. Et par 1000 doux soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non. À ces premiers vœux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part. Et quand quelqu'un nous plaît, souvent, nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement. Et ne vous servez point de cette violence que pour vous on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime. Et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir, par son choix, exercer sur mes vœux la rigueur de ses droits. Ôtez-moi votre amour. Et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter. Imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer, peut-il être capable? à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes appâts. Mais monsieur, laissons là ce galimatia. Vous avez tant d'iris, de phyllis, d'amarante, que partout dans vos vers vous peignez si charmante et pour qui vous jurez tant d'amoureuse ardeur. C'est mon esprit qui parle, et ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Et de grâce, monsieur. Si c'est vous offenser, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur, jusqu'ici de vos yeux ignorés, vous consacre des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous aie, il n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qu'il ne fait pas bien sûr à vous le trancher net d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller en se voyant contraindre à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Guéri par la raison des faiblesses vulgaires, il se met au-dessus de ces sortes d'affaires et n'a garde de prendre aucune ombre d'ennui de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravi. Je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est, d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme, à vous si singulière, mérite qu'on lui donne une illustre matière, et digne de trouver qui prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire, je le laisse à quelque autre. Et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire.